Vous écoutez l'émission de Patrick Tréau, Comment créer le paradis sur Terre. Patrick Tréau, c'est maintenant sur Radio Impact. Bonjour tout le monde, bienvenue à Comment créer le paradis sur Terre sur Radio Impact. Patrick Tétro avec vous. Donc aujourd'hui, on continue avec notre projet donc, qui consiste à élaborer un plan pour créer le paradis sur Terre qui est un objectif de civilisation. Donc il faut se distancier de l'autre expression de changer le monde ou de créer un monde meilleur. Donc, évidemment qu'on veut créer un monde meilleur, mais c'est important, on l'a souligné à plusieurs reprises, de se donner un objectif. Et forcément, il faut utiliser des nouvelles expressions. Si on utilise l'expression « paradis sur Terre », donc qui représente la nouvelle civilisation qu'on veut créer, Ça pourrait être une autre expression. L'important, c'est que ce soit un objectif, donc collectif, qui inclut toute l'humanité et qui inclut aussi tous les aspects, toutes les dimensions de la réalité, donc de la société, de la civilisation, donc tout ensemble. Et évidemment, ce plan-là, c'est élaboré, comme on l'a dit précédemment, les trois grandes lignes générales sont l'autorité individuelle, l'autorité collective et la création collective. Donc, l'autorité individuelle, reconnaître que nous sommes individuellement l'autorité et donc responsable, nous sommes créateurs et il n'y a que des individus. Donc, la collectivité, c'est le fait qu'il y a plusieurs individus, mais la collectivité comme telle, n'est pas un être, donc doit être organisé. Donc ce sont les individus qui la constituent qui, par leur autorité, par leur décision, leur choix, et choisissent comment s'organiser. Et c'est eux qui déterminent la nature et le mode de fonctionnement de la société. Donc ce sont les individus qui doivent décider donc de créer un mode organisationnel qui leur permette d'avoir une autorité collective, donc accéder à l'autorité collective, accéder au règne de l'autorité qui est la décision collective qui va leur permettre éventuellement de maîtriser leur création collective. C'est ce qu'on veut faire, évidemment. Nous voulons créer. C'est la perspective que nous choisissons de création. Donc, nous créons par nos choix les conséquences. Nous créons la société, la civilisation que nous avons. Et nous voulons créer une nouvelle civilisation. Non pas qu'il y ait beaucoup de choses qui vont certainement être maintenues. Donc, il y a beaucoup de choses, de belles choses qui sont déjà présentes. Donc, il ne s'agit pas de tout mettre à terre, mais de comprendre comment nous créons collectivement pour évidemment se réapproprier les axes ou les outils de pouvoir, les institutions, donc les axes de pouvoir qui vont nous permettre de créer ce que nous voulons, et que ce soit nous qui décidons, nous évidemment, les individus. Et donc c'est le plan en général, mais aujourd'hui on va voir un peu un aspect négatif, c'est-à-dire qu'on va voir qu'est-ce qui marche pas, quelque chose qui marche pas. Et donc je vais commencer en disant que la royauté, ça marche pas. Donc, ou toute autre forme politique, organisation collective, où il y a un leader ou un groupe. Dans ce cas-ci, dans notre cas, c'est le gouvernement qui s'occupe de la destinée de la collectivité. Pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, parce qu'une collectivité, ce n'est pas un bateau ou un avion. On n'a pas besoin d'un pilote et que nous, on reste assis bien tranquille puis on fait confiance. C'est un peu comme ça que plusieurs voient notre société, les élections. Il faut se trouver un bon leader, quelqu'un qui dirige le pays. Donc, il n'y a pas personne qui vous dirige. C'est pas comme, c'est une fausseté. Donc la collectivité, c'est pas comme quand on embarque dans un avion. Donc ça prend pas de temps, avec ce modèle là on peut reculer dans l'histoire. Ça prend pas de temps, et puis le pouvoir ces individus là ou quelques personnes ont acquis, que ce soit un leader ou un gouvernement, qu'il est usurpé par des intérêts autres que ceux du peuple, entre guillemets. Donc, et puis quand ça devient insupportable, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le peuple se révolte et tasse le pouvoir en faisant quelque chose de bien particulier, et oui, en s'unissant. Donc, si on recule dans le temps des rois et des seigneurs, etc. Donc, on voit la solution, la voie, l'incontournable et l'obligé passage par lequel nous devrons passer, nous aussi. Mais le vrai problème, c'est qu'on réussit à détrôner en partie et superficiellement, évidemment, le pouvoir, qui est vite remplacé par un autre, car nous ne sommes pas capables de prendre la place. Et pourquoi? Parce que nous ne sommes pas capables d'être unis pour tout simplement être unis. Nous le sommes pour toutes sortes d'autres raisons, tous ensemble pour quelque chose, tous ensemble contre, tous ensemble derrière, mais pas tous ensemble, point. Donc, il nous faut apprendre à créer l'unité, et cela va être éventuellement la base de notre société, notre civilisation. Et dans le cas de la royauté, eh bien, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'on coupait quelques têtes, et ça prenait pas de temps que ça revenait du pareil au même. Donc, et ce mouvement de va-et-vient a duré pas mal longtemps. Le peuple se révoltait, on coupait quelques têtes, et ça se calmait pour recommencer éventuellement. Et donc, à un moment donné, le diable, si on peut dire, a eu une excellente idée, instaurer un système qui, en même temps, donnerait au peuple l'impression que c'est lui qui a le pouvoir et qui décide, et qui, en même temps, lui enlèverait toutes les chances possibles d'accéder véritablement à ce pouvoir, qui passe par l'unité, on le sait. Et donc, j'ai nommé ce système-là les élections. Donc, ce que font les élections, avant même qu'il ne se soit passé quoi que ce soit, elle divise. Donc, elle empêche donc littéralement que nous puissions accomplir la seule chose qu'il nous faudra accomplir pour être en mesure d'exercer notre autorité collective, l'unité. Donc, avec les élections, c'est sûr qu'on n'est pas unis. Au contraire, c'est par la fonction, le mécanisme même, ça divise. Donc, et ce mode de pensée va influencer évidemment tout le reste, même ce qu'on appelle les débats. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle un débat, en tout cas dans notre société, c'est tout simplement deux options qui se confrontent. On espère qu'il y a quelque chose qui va s'en sortir de ça, mais c'est pas ce que nous allons... quand on parle de débat, c'est pas ça à quoi on fait référence. Mais en ce moment, c'est comme ça qu'on voit ça. Et donc, pour ce système, le système des élections, il faut deux options, A et B. Et comme on laisse aux gens le pouvoir de décider entre A et B, cela donne l'impression d'exercer une autorité, car c'est une décision, effectivement. Donc, on a le système parfait pour que les gens ne se rebellent plus. On leur donne l'impression que ce sont eux qui ont le pouvoir, et en même temps, on leur enlève la possibilité de créer la seule chose qui le leur donnerait. Donc, toutes nos énergies sont là-dedans. Et donc, les élections sont tellement une grosse arnaque que, en réalité, je ne sais pas par où commencer. Donc, je vais en parler un peu aujourd'hui, mais on pourrait en parler longuement. On pourrait écrire un livre là-dessus. Pourtant, il n'y a pas tellement de gens qui dénoncent le fonctionnement même des élections, de la votation. Le simple fait de voter, qui est tout simplement primaire ou archaïque. Et plusieurs dénoncent le fait que à un certain niveau, les partis se ressemblent. Mais en général, ce n'est pas vraiment critiqué. Donc, faut quand même, il va falloir le réaliser pour créer autre chose. Donc, c'est une méthodologie pour décider collectivement, qui est, comme on l'a dit, très basique et qui pourrait être utilisée, par exemple, qui pourrait être valable pour prendre des décisions peu importantes. Comme par exemple, il a été décidé qu'on installerait une clôture et qu'elle serait bleue. Maintenant, il faut décider si ça va être un bleu ciel ou un bleu marine. À ce moment-là, on passe au vote. Donc, si je vote pour le bleu marine, puis c'est le bleu ciel, ben c'est pas si grave que ça parce que c'est secondaire. Mais pour les choses plus importantes, c'est une autre question. Donc, c'est surtout pas une méthodologie à être utilisée pour des questions fondamentales, comme on en a fait avec les référendums au Québec. Comment décider de changer ou de ne pas changer l'identité de toute la société quand 40% ou 30% ou même 20% de celle-ci n'est pas d'accord? Donc, c'est pas du tout approprié, même les référendums, donc pour faire des décisions collectives. Il faut trouver d'autres méthodologies. Pour ce qui est de la souveraineté du Québec, on a pris les choses du mauvais côté. Comment ça s'est passé? Donc, c'est quelques personnes, essentiellement des gens dans le gouvernement. Donc, de quel droit, de quelle autorité peuvent-ils poser une question telle? Ben, toujours est-il qu'ils l'ont fait, à laquelle il fallait répondre oui ou non. Donc, le peuple était divisé. Déjà là, on voit qu'on enlève le pouvoir. Et évidemment, c'est le non qui a remporté. Mais il y a quand même un important pourcentage qui ont voté oui. Et si ça avait été l'inverse, ça aurait été la même chose. Donc, c'est pas mieux un ou l'autre. La façon qu'on aurait pu approcher la chose, ce n'est pas que ce soit quelques individus qui formulent la question. Au contraire, ça aurait été à eux à formuler la réponse, c'est-à-dire oui. Et à établir des ateliers, donc à ce que ce soit la population qui détermine la question. Donc, qui sommes-nous? Et évidemment, s'en suivrait un chantier, un projet de société pour actualiser cette définition-là. Mais non, là, ce qu'on a fait, c'est incommensurablement... sans sens. Ça n'a pas de sens de diviser la population et qu'un pourcentage choisisse ce que d'autres veulent absolument pas avoir, quelque chose d'aussi important que l'identité d'une société. Donc, ça ne convient pas du tout, cette méthodologie-là. Et encore, on peut approfondir, qui détermine s'il faut 50%, 60%, 90% pour que ce soit le choix qui est adopté. Donc, d'où ça vient ce 50% plus 1? C'est tout à fait arbitraire. Il n'y a rien dans la nature qui fonctionne comme ça. Donc, comme on l'a déjà dit, la dynamique fondamentale dans la nature, dans l'univers, c'est que lorsqu'il y a une multiplicité, c'est la loi du plus fort. C'est comme ça, ça va toujours être comme ça. On ne peut pas changer ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est le transcender, comme on a dit. C'est la raison pour laquelle on veut créer l'unité. C'est pour transcender cette dynamique fondamentale-là que nous ne pouvons pas gagner. Je l'avais expliqué, je ne reviendrai pas là-dessus, mais si vous voulez plus de détails, je pourrais l'expliquer. Et donc, 50%, ce n'est pas nécessairement le plus fort aussi. C'est parce qu'il faut considérer l'énergie, l'intention et tout ce qui pourrait venir peser dans la balance. J'ai donné un exemple des compteurs électromagnétiques à Sherbrooke. Il y avait un certain nombre de citoyens qui se sont activement impliqués, qui allaient au conseil municipal, qui se rencontraient, qui s'organisaient. Donc ça, c'est très pesant. Pas besoin d'être toute la population ou d'être 50% pour faire prendre une décision. Donc, comme il n'y avait pas d'autres citoyens contre, normalement, par la force des choses, c'est cette décision-là qui aurait dû être prise. Mais ce n'est pas ça que le conseil municipal a décidé. Par le pouvoir, par le fait que notre autorité leur a été transférée, par le fait justement des élections, ils ont choisi d'adopter et d'implanter le système des compteurs électromagnétiques contre, je le dis, la volonté des citoyens de Sherbrooke. Mais on ne peut pas les blâmer puisque ce sont les citoyens de Sherbrooke qui acceptent ce système puéril que sont les élections. Et plus vite nous en rendrons compte, plus vite nous allons créer un autre système pour venir le remplacer, mieux ça sera. Donc, en un mot, les élections, c'est de la merde. Et pourquoi? Parce que ça ne marche pas. Donc, ça ne fait pas ce que c'est supposé faire, c'est-à-dire nous permettre d'exercer notre pouvoir. Et ça veut dire quoi, exercer notre pouvoir? Ça veut dire décider collectivement. Donc, on peut le voir dans le cas des compteurs électromagnétiques. C'est pas nous qui avons pris la décision. Quand je parle de nous, je parle des citoyens. Et évidemment, ça inclut aussi ceux qui n'étaient pas intéressés ou qui étaient neutres ou qui trouvaient que ce n'était pas une décision, mais qui n'étaient pas prêts à s'impliquer contre, donc qui n'étaient pas suffisamment prêts à mettre d'énergie. Donc, le fait est que la décision était que nous ne voulions pas de compteurs électromagnétiques, mais nous n'avons pas réussi à prendre cette décision-là parce que le système en place, c'est les élections qui ont mis ces gens-là en place et ils ont voté pour. Pour quelle raison ils ont voté pour, ça c'est plus nébuleux, mais c'est un détail, c'est-à-dire qu'il faudrait approfondir ça plus éventuellement. Donc, donner une image évidemment de la collectivité, je dis que c'est comme un autobus, donc on est tous assis dans les bancs et il y a un chauffeur. Ce chauffeur-là représente la prise de décision collective, l'autorité, et parce que c'est comme ça qu'est exercé le pouvoir par la prise de décision. Donc, qui décide, c'est qui a le pouvoir. Et comme nous sommes plusieurs, ben c'est plus compliqué. On est plusieurs dans l'autobus. Et il y a un seul, évidemment, un seul chauffeur, un seul volant. Et ça représente la décision collective. Donc, où va le chauffeur? Où va l'autobus? Tout le monde va. Donc, si ça ne fait pas mon affaire, si ça contrevient à mes valeurs, il faut que je puisse intervenir. Il faut que ça corresponde à mes valeurs. Et c'est ça l'idée, dans le fond. Mais lorsqu'on vote, donc on décide, mais ce n'est pas une décision collective. Donc le vote, ce n'est pas le chauffeur qui s'en va à droite ou à gauche. C'est une décision individuelle. C'est moi qui vote. Et c'est plusieurs décisions individuelles côte à côte. Donc, ces décisions-là, ce n'est pas pour une option dans la vie collective, c'est une décision, c'est-à-dire qu'on choisit un parti ou un candidat. Mais dans la vie collective, il y a plein d'options. On a plein de décisions à prendre et pas seulement une. Donc, il y en a plusieurs que nous n'avons pas besoin de prendre en tant que citoyen. Tout comme lorsqu'on, comme j'ai dit, on engage un plombier, on ne lui dit pas quel colle utiliser. Donc, si on engage des experts pour faire pour occuper des tâches au niveau public, mais on n'a pas à se préoccuper de toutes les décisions qu'ils prennent. Il y a plusieurs choix qui nous concernent pas. Mais un parti peut représenter un de ces choix, par exemple, et l'autre, un autre choix sur une autre question. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, si j'ai un parti A qui propose des choses importantes pour moi, et l'autre qui est contre sur d'autres questions, et l'autre, c'est l'inverse, alors à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est complètement contradictoire. Et pour donner du sens à cette mascarade et maintenir l'illusion, qu'est-ce qui se passe? Et c'est-à-dire, donc, la dynamique des élections consiste à ternir le plus possible l'autre option, l'autre parti, si on veut, pour donner l'illusion que mon choix a un impact et qu'il va satisfaire mes intérêts et volontés en tant qu'individu. Donc, on diabolise l'autre, parce qu'évidemment, si j'ai à choisir entre Hitler et John Lennon, mon choix a du pouvoir et il est significatif. Et donc, ça crée, évidemment, ça amplifie la division. Mais encore là, c'est pas tout. C'est pas sûr que si je vote pour John Lennon, que ce soit John Lennon qui soit choisi, on le sait bien. Donc, ce n'est qu'un vote parmi d'autres. Et surtout, c'est un montage. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. L'autre n'est pas le diable. C'est évidemment, on amplifie ça pour qu'on vote pour soi-même, mais l'autre, c'est pas vraiment. Un n'est pas plus méchant que l'autre en réalité. C'est une illusion pour donner du sens à la votation, parce qu'en réalité, c'est du pareil au même, ou presque. Autrement dit, c'est comme s'il y avait un pont à traverser, et on a le choix, on peut le traverser sur le trottoir de droite ou de gauche, mais peu importe notre choix, on va le traverser le même pont. Donc, j'ai un exemple concret. Je me suis présenté aux élections municipales, et une fille me contacte pour savoir ce que je pense des règlements sur les chiens. Donc, elle me contacte via Messenger, donc j'avais pas d'opinion vraiment là-dessus, donc j'ai cherché sur Google Sherbrooke réglementation chien dangereux, et donc j'ai trouvé qu'il y avait une nouvelle réglementation qui avait été mise en vigueur en 2015, nanana, et j'ai regardé ça m'apparaissait tout à fait complet et très très bien fait, donc je lui ai répondu que ça me semblait la loi en vigueur était correcte. Et donc, sauf s'il y avait des exagérations, peut-être que la police pouvait intervenir, etc. Donc, mais la raison pour laquelle, pourquoi cette fille-là m'a contacté, certainement, c'est que probablement que sur la question des chiens dangereux, elle était soit sur un côté ou sur l'autre. Soit qu'elle avait peur de se faire attaquer, ou au contraire, elle aimait les chiens, elle avait peut-être un pitbull, et elle avait peur qu'il y ait une réglementation qui fassent qu'elles doivent s'en départir. Donc, en regardant son profil, vu qu'elle m'a contacté par Messenger, c'était facile de regarder son profil. J'ai rapidement compris qu'elle elle avait probablement un chien, elle aimait les chiens. Donc, pourquoi elle me contactait? C'est qu'elle voulait exercer son vote en fonction de sa préoccupation par rapport aux chiens, donc en choisissant la meilleure option parmi celle qui se présentait aux élections. Donc, elle voulait, en fond, exercer son pouvoir, mais elle utilisait les élections parce que c'est la seule option qui lui restait. Et donc si elle veut, elle utilise les élections pour exercer son autorité, et c'est une décision qui lui tient à cœur, elle veut que ce soit ça qui soit décidé collectivement. Alors, elle fait le tour des options pour voter pour celui ou celle qui correspond à son choix. Le problème, c'est que, premièrement, c'est pas sûr que ce sera lui pour qui elle va voter qui va gagner. Ensuite, elle utilise son vote, son autorité, juste pour cette question-là, alors qu'il y a beaucoup d'autres choix dans la société, et peut-être que celui qui s'accorde avec son choix pour les chiens fera d'autres choix qu'elle ne veut pas. Donc, on voit que ça convient pas trop, c'est plutôt n'importe quoi. Et donc, dans ce cas, un référendum pour le chien, ça serait peut-être mieux avisé, vous penserez, mais comme j'ai dit, pas vraiment. C'est encore un vote et c'est pas la bonne façon de décider collectivement. Donc, on peut comprendre, on peut voir que les gens veulent décider, veulent participer à la CGT, et pratiquement des moyens qu'ils voient, c'est par les élections, mais ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça a avancé dans son cas pour les chiens? Dans le fond, tout l'exercice démocratique, se réduit à une simple question que les gens peuvent, qui les préoccupent. Donc, tout notre exercice collectif est approprié par ça. Et donc, on voit que on ne peut pas développer quelque chose de mieux si on en reste là. Donc, en votant pour un candidat ou un parti, on leur transfère notre autorité et ils prennent ensuite des décisions qui pourraient ne pas être les nôtres, comme dans le cas des compteurs électromagnétiques. Et tout l'exercice démocratique est réduit à une simple question pratique, c'est ce que j'essayais d'exprimer. Même chose pour tous les groupes d'intérêt qui se présentent aux élections pour organiser des débats avec les candidats, les gens d'affaires, les étudiants, les communautés culturelles, les gens des arts et spectacles, les cultures, les gens qui se préoccupent des vélos, etc. Donc, tous ces groupes représentent les forces vives de notre société et, dans le fond, ils portent ce que nous voulons comme société. Donc, c'est extrêmement important. Dans le fond, c'est ça, la société que nous voulons, c'est ce que nous portons. Les gens se regroupent ensemble pour faire avancer les choses et ils utilisent les élections parce qu'ils voient là un moyen de faire appliquer leur volonté. Et donc, c'est important, mais ils font la même chose, dans le fond, que la fille qui m'a contacté. Ils vont voter pour ce qu'ils pensent va dans le sens de leur volonté. Mais, ça ne donne pas vraiment grand-chose. Ensuite, l'autre aspect du problème, c'est que toutes nos énergies vont dans ce système-là plutôt que travailler à créer l'unité. Parce que le plus gros vice des élections, c'est pas qu'elles nous divisent, autant qu'elles nous empêchent de créer l'unité. Donc, on en est même venu à voir la division comme nécessaire à l'avancement, comme si ça serait dans l'opposition ou la confrontation que les choses avanceraient. On voit ça à l'Assemblée nationale, ça prend une opposition pour surveiller le parti en pouvoir. Donc, comme si c'était nécessaire. Et d'avoir des chiens de garde. Donc, faut pas s'inquiéter. Il va toujours y avoir de l'adversité et des défis. Collectivement, on va toujours rencontrer de l'adversité. Donc, pas besoin d'intégrer l'affaire dans notre système politique. C'est comme si on disait que c'est comme si on a l'impression qu'on pense que ce serait trop beau si on était unis, que ce serait trop facile. Et donc, si nous voulons passer à un autre niveau collectivement, il va falloir l'accepter. Et ce serait effectivement plus facile de régler nos gros problèmes actuels, mais les défis ne manqueront pas quand même. Et c'est juste qu'on va avoir à dépasser ce stade où on est en ce moment avec des situations inacceptables. Donc, évidemment, la question qui reste, c'est comment créer l'unité. On en a parlé la semaine passée. C'est un grand chantier qu'on va devoir faire. C'est au niveau local, évidemment, que ça va se passer. Et car ce sont les individus qui doivent s'unir avec toutes leurs multiples positions. Et donc, je vous avais parlé d'un projet, l'outil collectif de décision, qui serait, d'après moi, la première étape concrètement à faire, logiquement, et que ça prendrait une cause pour exercer notre décision. Et donc, ça nous prendrait, je crois que je viens de la trouver, c'est-à-dire une cause qui nous permettrait d'avoir à prendre une décision collectivement et qu'on pourrait faire avec cet outil-là. Donc, un outil collectif de décision. J'en ai parlé la semaine passée. Et donc, la cause, c'est que j'ai vu ça cette semaine. Donc, le gouvernement du Québec, donc c'est un article dans Radio-Canada, dit du fluor dans l'eau potable pour la moitié des Québécois d'ici 5 ans. Donc, c'est le dossier du fluor dans l'eau qui est contesté, évidemment. C'est même écrit dans l'article. Donc, la direction de la santé publique du Québec souhaite fluorer l'eau potable pour la moitié de la population de la province d'ici 5 ans pour combattre la carie dentaire. Donc, évidemment, c'est complètement ridicule. Le fluor, déjà, il y a beaucoup de dentistes qui ne l'utilisent plus. Je sais que dans mon jeune temps, on allait chez le dentiste, ils nous mettaient une gelée, là, on remplissait la gelée de la bouche de gelée verte avec des pendant 15-20 minutes pour fluorer nos dents. À ce que je sache, il y a encore des dentistes qui font ça. De même qu'il y a encore des dentistes qui mettent du plomb extrêmement toxique dans les dents. Donc, mais pas tous. Moi, mon dentiste ne fait plus ça depuis longtemps. Mais il y a encore des gens qui croient ça. Et apparemment, le docteur Arruda qui dit qu'il estime que la santé dentaire n'est pas toujours perçue aussi sérieusement que d'autres maladies et qu'il importe donc de donner un coup de pouce à la nature pour agir en amont. Et il dit « Le fluor consommé est absorbé par l'intestin et durant la croissance et la création de l'émail, ce fluor se fixe et vient contribuer à avoir des dents beaucoup plus solides. » C'est ce qu'affirme le docteur Arruda. Donc, vraisemblablement, ça va être un gros débat de société parce qu'il y en a beaucoup qui contestent ça et j'en suis. Et donc, mais la question reste à savoir, vont-ils réussir à l'imposer quand même? Allons-nous réussir à faire bloquer cette décision-là? Donc, c'est là qu'on pourrait voir si cet outil-là serait efficace. Et il y a déjà des groupes, évidemment, dans l'article même, il parle de certaines personnes. Il mentionne toujours qu'il y a des opposants, mais ils ne vont pas nécessairement tous les nommer. Ils choisissent les opposants qui font leur affaire aussi. Mais dans ce cas-ci, c'est un organisme qui s'appelle Coalition au secours. Donc, eux affirment, c'est écrit dans l'article, que les citoyens ne veulent pas d'eau fluorée. Les opposants s'inquiètent des effets du fluor sur la santé. Oui, évidemment, c'est difficile à convaincre toutes les gens parce que le principal argument, c'est que ça affecte la glande pinéale. Donc, c'est une question, évidemment, d'un aspect spirituel qui est quelque chose qui n'est pas reconnu, évidemment, par le monde médical et scientifique. Donc, c'est plus conflictuel, mais peut-être que notre outil servirait et pourrait être approprié dans ce cas-ci. Ça va rester à suivre, à voir. Donc, je vous souhaite, je vous invite à rester au fait pour les prochains développements où j'organiserai cet outil-là pour le mettre en branle. Et donc, on va faire une pause. Ça va être pas mal terminé pour aujourd'hui. En cette journée de la fête des mères, ça va être plus court. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Et je vais compléter l'heure avec de la musique, car c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Et je vous invite donc à participer, si vous avez des commentaires, des questions, des critiques, sur ma page Facebook, c'est le meilleur endroit, Patrick Tétro. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Au plaisir, à la prochaine.